je l'ai pas fait pour le fame, hey. Fallait niquer des mères, hey. J'en ai même plus sommeil, hey. Rarement une bonne nouvelle, hey. C'était ton cœur ou le mien. Préférer niquer le tien, hey. Et dans cette merde ça flingue. Sans mal écouter de la vérité. Le temps me donne moins d'amis, hey. Le temps c'est bien les vérifier. La roue le sol s'illumine, hey. Y'a rien de gratuit c'est mérité. J'ai tout lâché pour elle, hey. Elle m'a dit reste une brève, hey. Ouais c'est toujours la merde, hey. Elle m'a pas dit qu'elle m'aime, hey. Raftel, raftel, raftel, raftel, raftel. Jusqu'à ma tête par terre, hey. Raftel, raftel, raftel, raftel, raftel. Jusqu'à ma tête par terre, hey. Je compte plus les soirs où je veille, hey. Quand je pense à la veille, hey. Charbonné day to day, hey. J'attends le jour de paye, hey. Beaucoup m'ont lâché sur la route, avancer c'est aussi des sacrifices. Les cadavres des ennemis sous ma roue, au feu vert j'ai fusé sans artifice. On n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes objectifs. Ils ont pas la vision, ils sont limités, leur appareil n'ont pas d'objectifs. J'suis déterminé, j'vais pas laisser mes rêves se terminer. Même si j'avançais sur du verre pilé, j'laisserai pas le destin filer. Pour nos rêves, nous on se tue, j'attends pas le marchand. Même si on crève, on aura vu tout ce monde en partant. Je me vois loin, loin, loin, là où il n'y a personne. J'attends juste que mon air sonne. Raftel, raftel, raftel, raftel, raftel. Jusqu'à ma tête par terre, hey. Raftel, raftel, raftel, raftel, raftel. Jusqu'à ma tête par terre, hey. Raftel, raftel, raftel, raftel, raftel. Jusqu'à ma tête par terre, hey. Raftel, raftel, raftel, raftel, raftel. Jusqu'à ma tête par terre, hey.